cet homme a été condamné par le tribunal militaire burkinabé. Et lors de sa condamnation, le jugement de sa condamnation accepte les mandats, puisque la condamnation était par contumace, il n'était pas présent, il n'était pas dans la salle, a accepté les multiples mandats émis contre l'intéressé, contre cet accusé qui n'était pas à la barre. Alors, comment est-ce que, quel est l'intérêt du régime burkinabé de faire voyager un homme qui, dans son gestuel, n'est pas différent d'une statue, de venir au Burkina Faso pour une réunion au cours de laquelle on parle de la cohésion entre les Burkinabés? Est-ce que les Burkinabés ont des problèmes entre eux? Est-ce qu'il y a des particules au Burkina Faso qui ne cogitent pas autour de l'atome principal, qu'est la cohésion nationale, l'unité nationale? En clair, est-ce que l'unité nationale de la République du Burkina Faso est mise en question? Que non. Alors, nous pensons que, à côté d'une communication 17e, parce que ça n'a rien à voir avec la communication usienne, nous pensons que, à défaut d'une opération pour plaire, Madame Capen, il y a derrière cette histoire une forme de pardon qu'on demande, de pardon par rapport aux événements qui ont poussé Blaise Compaoré hors du pouvoir. Vous savez, c'est la rue qui a poussé Compaoré hors du pouvoir. Et nous ne comprenons pas comment, dans une entreprise dite de réconciliation et de cohésion nationale, qu'on fasse venir un criminel. Il a été condamné, il a été déclaré coupable d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État burkinabé, l'atteinte à la sécurité qui a conduit à la mort le 15 octobre 1987 de Thomas Isidore Sankara. Alors, comment est-ce qu'il peut fouler le sol burkinabé? Est-ce que, dans la recherche de la cohésion nationale, le président de la transition, Damiba, a pensé à la famille de Thomas Isidore Sankara, qui veut que la justice soit rendue? Elle a été rendue au tribunal, mais il manque l'exécution de la décision du tribunal, c'est-à-dire que Compaoré rejoint Kafando et Diendéré en prison. C'est de cela que nous nous attendions du côté du Burkina Faso. Donc, pour nous, il n'y a pas un intérêt à faire venir Compaoré aux côtés d'anciens chefs d'État avec qui ne jouissent pas d'ailleurs de la même notoriété que lui. Compaoré, nous savons que c'est l'impérialisme qui a maintenu Compaoré au pouvoir après l'assassinat complice de ce même impérialisme de Thomas Isidore Sankara. Nous savons qui, pour qui a roulé cet homme, Blaise Compaoré. Nous savons que le désordre qui a été créé en République de Côte d'Ivoire a été monté de toutes les pièces au Burkina Faso sous la présidence de Blaise Compaoré. Alors, est-ce que Damiba avait besoin d'un Blaise Compaoré aux côtés des autres anciens chefs d'État avec qui il n'a rien à voir, avec qui il ne se ressemble pas? Nous pensons à un moment donné que Damiba lui-même, et c'est un ancien élément du régiment de la sécurité présidentielle, qui à l'époque mais faisait feu de tout bois au Burkina Faso. Nous avons peur que les espoirs et les attentes des Burkinabés se fondent dans une entreprise où les Burkinabés ne se retrouvent plus, puisque ce régiment de la sécurité présidentielle était au-dessus de la loi. Et nous avons peur que ce soit le même processus qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que Compaoré est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, président Bandakané. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire? Il entre au Burkina et il ressort sans que le mandat d'arrêt ne soit exécuté. Cela veut dire que il y a une sorte de fuite en avant de ce que le tristement célèbre régiment de sécurité présidentielle sous Blaise Compaoré, sur ce qu'il infligeait au peuple burkinabé. C'était un régiment qui ne dépendait que de Blaise Compaoré, qui lui-même était au-dessus de la loi. Nous pensons que la présence de Compaoré dans une entreprise de transition au niveau du Burkina Faso, cette présence n'était pas nécessaire. Elle est même très inopportune. Et je suis d'accord que certains Burkinabés qui sont encore épris de foi, de combat panafricaniste, aient empêché Romain Christian Kabore d'assister à cette mascarade. En réalité, que devrait faire Romain Christian Kabore devant un personnage que le peuple s'est soulevé et a buté hors de la République du Burkina Faso. Nous pensons que Madame Kapin, c'est très contre-productif dans un gouvernement de transition. C'est des erreurs. Et au-delà des erreurs, nous voyons derrière ce type d'entreprise la main de la France. Nous savons que Compaoré a servi la France au propre et au figuré, non seulement en République de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout au Burkina Faso. Nous pensons, ça ressemble un peu au retour de Jean-Bédel Bokassa, où à un moment donné, il était très gênant en France, et on a inventé un procès de toutes les pièces pour le faire rentrer et mourir tranquillement en République centrafricaine. Je pense que c'est le même scénario, surtout que l'impérialisme français suit toujours le même chemin. C'est le même mode opératoire. C'est toujours les mêmes engins qu'on utilise pour les mêmes routes. C'est toujours le même son qu'on utilise pour les mêmes instruments de musique. C'est toujours les mêmes recommandations politiques qu'on recommande pour ceux qui ont servi la France. Nous pensons que derrière ce retour de Blaise Compaoré, d'ailleurs, nous, quand nous le regardons, il n'est pas différent d'une statue. Parce que debout, on lui apporte la chaise à plusieurs reprises et l'entourage a honte de le voir assis. Mais il fallait, pourquoi amener un moribond en République du Burkina Faso, un moribond qui ne peut servir à porter aucun avantage à cette transition? Et la transition au niveau du Burkina Faso a des défis à relever. Premièrement, c'est le défi sécuritaire. Deuxièmement, c'est le défi économique. Et les Burkinabés se plaignent de ce que on parachute n'importe qui, n'importe où, en République du Burkina Faso. Ce sont parce que nous, les panafricanistes, nous attendons à une transition militaire. Il y a une transition qui se passe au Mali. Et nous voyons comment il y a une certaine cohésion entre le gouvernement et le peuple. Donc, pour nous, Madame Kapin, il est clair, c'était non seulement très contre-productif, mais ça réveillait un souvenir d'un certain 15 octobre 1987, lorsque nous voyons cet homme debout, alors que Thomas Isidore Sankara est dans une tombe. Et il est dans une tombe, dans quelles conditions? Il a été perforé comme de la passoire avec les hommes de Blaise Compaoré, son ami, entre guillemets, qui a été monté de toutes les pièces par l'impérialisme. Alors, est-ce que Damiba est en train de ressusciter l'impérialisme en République du Burkina Faso? Est-ce que Damiba est dans une entreprise où il faut plaire au SMIR, où il faut plaire à ceux qui ont ramené la République des hommes intègres à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un pays avec d'insécurité? Nous pensons à un moment donné que cette transition en République du Burkina Faso est en train de susciter beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations parce que il y a d'abord eu une première rencontre avec les anciens chefs d'État, vous vous souvenez. Alors, cette deuxième rencontre, elle rime à quoi? C'était juste pour accompagner ce voyage de Compaoré. Est-ce que Damiba veut plaire à une partie du régiment de la sécurité présidentielle qui a encore qui a encore assujetti à ce Blaise Compaoré? Autant de questions parce que nous ne comprenons pas. Mais un homme pareil, lui, je pense qu'il n'a pas pris la parole. S'il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il pouvait dire du Burkina Faso? Qu'il a plongé dans l'insécurité du Burkina Faso, dont il a concouru au braquage de ses ressources par l'impérialisme qui l'a monté de toutes les pièces pour détruire une icône panafricaine qu'on appelait Thomas Isidore Sankara. Alors, pour nous, nous continuons à nous poser des graves interrogations. Si le gouvernement de transition du Burkina Faso n'a rien à voir, alors que la société est considérée comme les services secrets de l'Occident. Partagez-vous cet avis? Alors, madame, lorsque vous me posez la question de savoir si je partage cet avis, je vais vous répondre très sincèrement. Vous savez, qui est à l'origine de la requête qui envoie les casques bleus des Nations Unies au Mali? Allons toujours à l'origine. Ça n'a jamais été le Mali. C'est à chaque fois la demande de la mise en œuvre des contrats, des rapports ou des accords de défense avec la France qu'en réponse, au lieu d'intervenir, la France cherche un mandat plus grand. Et dans ce mandat, il a le plus grand intérêt. Qui a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la MINUSMA, pour qu'une mission se retrouve des Nations Unies se retrouve au Mali? Et là, c'est la France. En réponse à la demande des autorités maliennes de les assister dans le cadre du respect des accords de défense. Parce que beaucoup ne veulent pas comprendre ce qui se passe réellement au Mali. Mais le Mali a été trahi. La MINUSMA, c'est la preuve de la trahison du non-respect des accords de défense avec la France. Nous sommes dans des accords avec des articles bien définis. Je suis en insécurité. Nous demandons l'application d'une disposition qui dit expressément que tu dois m'assister lorsque je suis dans des difficultés en matière de défense et de sécurité. Alors, qu'est-ce que fait la France? Elle va être saisie d'une requête. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui envoie une mission et c'est eux qui sont derrière la mission. Merci pour cette intervention.